Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, il est 17h tout pile, nous sommes le vendredi 15 juin 2018. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Alors une fois par mois, on décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. Et on vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors, mes partenaires de jeu ce mois-ci, ça change à chaque fois, c'est comme ça, hein, on peut pas faire autrement. Chacun ses petites activités. Ce mois-ci, il y a entre autres Adrien. Bonjour. Bonjour Adrien. Comment ça va? Et t'étais pas venu depuis quand, toi? Ben, je ne sais plus, en fait. Tu sais plus? Non. C'est vrai, moi, je me posais la question de ça, justement, Adrien. Peut-être facilement janvier. Janvier, février, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Avec le lancement, justement, du Fripp Show. Ouais. Et ça fonctionne bien, tiens, d'ailleurs. Très bien. Très bien. On est super content. On arrive sur la période estivale. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent plus sur la période estivale, hivernale? T'as ton avis là-dessus? En fait, c'est vachement dépendant de la météo. C'est vachement dépendant de la météo, ouais. Donc des sorties des gens et des promenades, ouais. Etc. Et il y a aussi, celle qui est là depuis le tout début, c'est-à-dire en 2014, et Anaïk. Bonjour à tous. Ça va, Anaïk? Ça va bien, merci. Alors, explique-nous un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on a un invité, c'est ça? Oui, on a un invité. On est heureux comme tout qui soit là. On a comme invité Léon de la Brocante. Alors, bonjour, Léon. Bonjour. Mais tu t'appelles pas que Léon, tu t'appelles aussi Tony. Mais il s'appelle surtout Léon. Il s'appelle Léon de la Brocante, alias Tony, ouais. Qui viendra nous parler de sa passion et de ce qu'il fait. Moi, je vous parlerai un petit peu de mode, comme à mon habitude, parce que Kiki n'est pas là aujourd'hui, donc je prends un petit peu le relais, en fait. Donc, je vais vous parler de la tendance un peu printemps-été 2018 avec le retour de la combinaison. D'accord. Mais la combinaison pour les femmes, pas pour les hommes. Existe des combinaisons pour les hommes aussi. Oui, mais ça fait un peu ouvrier quand même. Je sais ça fait un peu chantier. C'est toujours des trucs que tu vois dans les défilés de mode, c'est haute couture, le truc que tu ne porteras jamais. Il faut l'assumer, c'est clair. Et puis, Adrien, tu vas nous faire une chronique sur... Le fric show. Voilà, au début, on disait fric, il y a un peu de pognon, super. Mais fric show, c'est encore autre chose. Donc une belle émission, on finira par les sorties. Oui, c'est ça, les sorties qu'il y aura à faire dans les coin pour ces prochains week-ends. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors on va commencer avec moi, parce qu'à chaque fois j'ai une petite chronique sur le jour, donc c'est-à-dire le vendredi 15 juin. D'ailleurs, au demeurant, c'est l'avant-dernière émission de la saison. On a encore eu le mois de juillet. Triste, Après, on part en vacances, comme chaque année. Mmh. Et on reviendra pour septembre, toujours le troisième vendredi de chaque mois. J'espère avec l'équipe au complet, mais pas au complet, justement, parce que Kiki, elle part, elle quitte le navire, elle s'envole. Elle nous reviendra qu'au mois de janvier. Oui, c'est ça. Mais Adrien sera toujours là la saison prochaine. Bien sûr. Et Laura aussi. Ben Clément, selon son emploi du temps aussi. Alors, quelques petites dates, comme ça, jetées à brut pour point, les amis. Ça s'est passé, c'est un anniversaire, que l'on fête aujourd'hui. Alors, je sais pas si on va le fêter chaque année, cet anniversaire-là. C'est une sorte d'éphéméride, un peu, orienté musique. On l'a fêté ce matin, à Paris. C'est notamment l'anniversaire de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui aurait dû avoir 75 ans aujourd'hui, voyez. 75 ans, notre Johnny qui est parti donc au mois de décembre. Il est né le 15 juin 1943. Un autre, alors là on fait le grand écart musical. On passe du côté du rap et c'était aussi l'anniversaire d'un rappeur américain, Ice Cube. Alors, je sais pas si vous connaissez Ice Cube, qui n'est pas tout jeune non plus, 15 juin 1969, et qui a été aussi acteur. Voilà, Ice Cube. Anaconda, quel film, Anaconda. Film mythique. C'est pas Jennifer Lopez qui était dans Anaconda. Ouais, je crois, ouais. C'est ça. Cette espèce de gros serpent qui, c'est un peu flippant. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais parler de Jennifer Lopez en disant cette espèce de gros serpent. Ouais, voilà. J'ai eu un moment de doute. Je ne la connais pas, en toute intimité, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, j'arrête là-dessus. Alors, il y a aussi un autre anniversaire, le 15 juin 1989. Alors, Il y a une sortie d'un album en particulier, donc petit quiz très très rapide. Il est décédé, il faisait partie de la bande des 28, donc de ceux qui sont décédés à l'âge de 28 ans. Mmh. C'était un peu notre jeunesse, un peu rebelle, blond. Kurt Cobain. Bravo. Ouais. Donc 2 ans après la formation du groupe, les Américains Kurt Cobain et Krist Novodielic, alors qu'on ne connaît pas trop dans le groupe, lancent en 1989 avec Bleach le premier album de Nirvana. Et inspiré par des affiches de prévention contre le sida, le titre de l'album, initié par Kurt Cobain, s'inscrit dans une volonté de développer un nouveau genre musical baptisé leur genre musical, le grunge. Donc tu te laissais un petit peu sale, hein. Tu te lavais pas trop et t'étais grunge, les cheveux gras de préférence, hein, c'était une obligation. Et le premier album de Nirvana était pas super bien accueilli, hein, par les critiques lors de sa sortie, et le public, lui, a été aussi difficile à convaincre. Et encore une fois aussi, une sortie, alors là c'est un 15 juin 2010, donc c'est assez récent, c'est David Cameron, Premier ministre britannique, qui présentait ses excuses officielles du gouvernement de son pays pour le Bloody Sunday. Alors vous vous rappelez ce qu'était cet événement, c'est un massacre le 30 janvier 1972 de 27 personnes à Derry en Irlande du Nord. David Cameron a présenté ses excuses officielles, et Bloody Sunday aussi, qui a inspiré le titre de U2. Du tout, ouais. Ouais. Il y a eu un film aussi. Et il y a eu un film aussi autour de ça. Voilà, c'est un petit peu les infos autour d'un 15 juin. On va écouter un premier titre avant de retrouver notre invité, Naïk. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ? Alors, en premier titre, est-ce qu'on n'écouterait pas, par exemple, Two Trains Running ? On peut écouter Two Trains Running. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce titre-là ? On a des infos ? Ouais. Ouais, alors c'est un titre d'Arnaud Fradin et son groupe, donc, qui s'appelle Roots Combo. Ouais. Et Arnaud Fradin, en fait, c'était un guitariste, enfin c'est toujours, hein, parce qu'il est toujours vivant, un guitariste nantais, en fait, qui a écumé pas mal de scènes soul, blues, un peu européenne, et américaine. Il est leader du groupe Wilted Mink. Et en fait, sur le morceau qu'on va écouter, vous allez pouvoir aussi entendre Thomas Troussier, en fait, qui joue de l'harmonica d'une façon extraordinaire. Donc on vous laisse le découvrir et je pense que vous allez aimer. C'est Two Trains Running. Et donc on se retrouve juste après ça. Vous êtes à l'écoute de Fadiette et surtout d'un coup d'œil dans le rétro, les 17h07. Bon début de week-end à tous. Trains Running, Arnaud Fradin sur Fat Jet. Un coup d'œil dans le rétro. Moi de 17h à 18h sur Fat Jet 94,2 en modulation de fréquence. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cette fin d'après-midi sur Fadjet. Entre autres, vous avez la possibilité aussi de réécouter ces émissions en podcast, notamment sur le site fadjet.net, et donc vous allez chercher l'émission Un coup d'œil dans le rétro. Ou alors, vous avez aussi la possibilité, je suis en train de perdre ma voix, de nous retrouver sur les réseaux sociaux, et c'est Fadjet Un coup d'œil dans le rétro, un petit pouce sur notre tronche, ça nous fait du bien, et de retrouver quoi la semaine d'après, en règle générale, l'émission en podcast. Alors justement, Adrien, tu me disais que j'ai fait une grosse erreur. Ouais. Laquelle? C'est le club des 27. Oui, je ne sais pas pour ça. C'est peut-être parce que j'ai 28 ans, plus 10, plus 10, que je suis resté sur le 8. Effectivement, c'est le club des 27 dont il faisait partie Kurt Cobain. D'ailleurs, ils sont combien dans ce club des 27? Maintenant, il commence à y avoir du monde, hein. C'est vrai, entre Amy Winehouse... comment il s'appelle, qui a rejoint il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas 27 ans, Lequel? Le DJ, là, qui est... Johnny Hallyday? Non, le DJ Avici. Avici, ouais. Voilà. Ah, peut-être, ouais. Aussi, ouais. C'est ça. Lui, je ne sais pas. Si, c'est vrai. Une question. Je crois que tu as raison. Bon, on va rechercher un petit peu les informations. Alors, en tout cas, aujourd'hui, nous avons avec nous Léon Labrocante. Alors, bonjour Léon. Ça va? Ça va bien, pas de stress, on est tranquille à l'antenne. Alors, si on avait à te présenter en quelques mots, tu es revenu depuis 3 ans à Nancy, c'est ça? C'est bien ça, oui. J'étais parti en fait pendant 7 ans en Bretagne, à Rennes. D'accord. Alors, parle bien juste devant le micro, rapproche-toi bien du micro, hop, mets-le bien devant ta bouche, qu'on t'entende bien. T'es né à Toul et tu fais entre autres, ce qui te plaît, c'est l'achat-revente, hein, tu me disais tout à l'heure. Une sorte de polyvalence et donc, t'as ton activité qui commence à se lancer. Exactement, en fait, j'ai commencé une petite étude de marché en décembre l'année dernière. Ouais. Je me suis lancé aussi dans une première galerie là, en début d'année, où j'ai fait ma petite étude de marché. J'ai vu que ça marchait plutôt pas mal, donc là, on s'est mis en association avec plusieurs amis sur un nouveau local. Et pourquoi Léon Labrocante? C'est un prénom qui nous plaît beaucoup dans le couple, en fait. C'est le prénom du papa de ma petite amie. D'accord. Et donc, ça se suit si bien avec la brocante. Rien à voir. Rien à voir avec. Avec Louis et son petit camion. Non. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, tu disais que d'ici peu, c'est projeté pour quand, ça, d'ailleurs, à peu près? D'ici un mois. D'ici un mois. Donc, ça se finalise, en fait. Complètement. Hein. Ça se finalise complètement, quoi. Toi, tu m'as parlé d'un truc, justement, comment dire, hors antenne. C'est alors, comment ça m'a appelé ça? La bouclette de 300. Ouais, j'ai bien aimé cette expression. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé. J'ai acheté quelque chose quelque part à un bas prix. Ouais. Aller le faire expertiser derrière et à se rendre compte qu'en fait le coefficient multiplicateur il est de 300. Tu vois? Boucle de 300, c'est pas mal ça. Pas mal. Bon business, hein. Ouais. Bon, en général ça se fait pas tout le temps, je non, pense. C'est la boucle de 2, c'est déjà bien. Mais oui, c'est très compliqué. Et toi, t'as une passion en particulier pour le petit électroménager des années 70? Ouais, j'adore les petites balances Terraillon, les petits fouets. Ouais. Tout ce matériel-là qui fonctionne toujours très bien alors qu'il a encore 40 ans. 40 ans, ouais, c'est ça. Et tout c'est ça, tu exposes où à cette heure-ci? Là, pour l'instant, un peu nulle part, en fait. Je suis plein sur les travaux. Et chez toi, essentiellement aussi. Chez moi, chez toi, c'est de la déco de ces années-là aussi. Il y a de tout. Il y a de tout, c'est un mélange. Il y a du recyclage, il y a de la brocante des années 70, il y a un peu plus ancien aussi. Un peu plus ancien aussi. Mais rien après, genre les années 80, 90, c'est pas quelque chose qui te branche? Pas de trop, non. Même si ça commence à être dans le domaine, entre guillemets, rétro, ouais. Parce qu'on dit souvent à partir d'une vingtaine d'années, ça commence à être rétro. Et donc, t'as eu aussi un article dernièrement dans un magazine qui aussi se lance dans le vintage. Oui, un tout premier magazine, en fait, style vintage. Voilà. Il est en kiosque alors, ce magazine là? Oui, on peut le trouver dans n'importe quel point. Et tu me disais, c'est des Vosgiens qui ont lancé ce... Je crois, oui, si ma mémoire est bonne, c'est des Vosgiens qui se sont lancés là-dedans. C'est vrai qu'il y a un vrai engouement quand même. Comment tu l'expliques, toi, ça, cet engouement, cette heure-ci, pour le vintage, le rétro, pour... Est-ce qu'il y a un côté affect? Ouais, je pense qu'on a envie tous un petit peu de revoir les objets qu'on a croisés chez la grand-mère, chez la... C'est dans la famille, ça nous rappelle beaucoup de choses, en fait. Est-ce qu'on n'aime pas les objets qu'il y a aujourd'hui? Bah, ils ont une tendance à être un petit peu obsolètes rapidement. C'est vrai. Et on est un peu tous d'accord autour de cette table. Mmh. C'est pour ça que l'émission s'appelle Un coup d'œil dans le rétro. C'est un peu ça. Et t'avais peut-être quelques questions, Anaïk, toi? Oui, enfin, moi, c'est des petites questions comme ça, en fait. Parce que du coup, François l'a dit tout à l'heure, donc tu chines, tu retapes, tu exposes. Pour être un bon chineur, Parce que nous, c'est vrai qu'avec François, des fois, on a écumé. Enfin, voilà, on a été dans des endroits, des vides greniers, des machins. Et alors souvent, soit on arrive trop tard ou sur les brocantes, tu vois, parce que voilà, on se lève pas tôt. Oui, alors c'est ça. Ça aussi, c'est négocier. Bah, on négocie, on est nul, tu vois. Donc, je sais pas. Pour être un bon, comment tu fais toi en fait? Déjà, tu vas où tu trouves tes objets? Alors, je fais comme vous. Hein, je fais les vides greniers, ouais. Les vides maisons. Mais tôt. Les ventes aux enchères. Je fais aussi Emmaüs. Je fais aussi le troc. L'internet aussi énormément sur D'accord. les réseaux sociaux aussi, ouais, on en trouve aussi beaucoup. Après, pour pouvoir trouver le bel objet, ouais, il faut se lever super tôt. Et puis c'est un coup de poker, on peut pas toujours avoir le bel objet à chaque fois. Il y a cette excitation quand tu vas rechiner quelque chose, ouais. Comme ça, te dire je vais trouver un truc génial. À chercher le bon truc. Ouais. Ouais, et puis du coup, faut négocier quand même. Enfin, ça d'après, bon, ça dépend là où tu te trouves évidemment, mais j'imagine que il y a peut-être des prix. Il y a des petites techniques pour pouvoir réussir à tirer un objet un petit peu moins cher que ce que le vendeur veut faire. Déjà, le simple fait de marcher en lot. C'est ça. Il faut s'informer régulièrement aussi, être vraiment dans le jus et s'informer régulièrement des prix pour pas se faire arnaquer non plus, quoi. Faut connaître la cote. Et il y a des magazines, il y a des choses pour connaître la cote. On peut trouver la cote dans l'article n'importe où. Ah d'accord. Dans des magazines spécialisés pour des grands designers ou après sur des sites internet pour des choses un petit peu plus faciles. Est-ce qu'il y a un objet que tu as chiné, que tu as découvert, que tu ne veux absolument pas revendre et que tu veux garder pour toi? Ou pas? Tu vois, un truc dont t'es super fier ou je sais pas, voilà, que vraiment t'as envie de garder, que tu te dis t'as pas, voilà, j'ai pas envie de le vendre, j'ai pas envie de, je sais pas, c'est une question bête, mais une veste militaire d'époque, c'est vrai, ouais, et une redingote aussi d'époque. J'aime bien les vêtements d'époque 1910, 1920, 1930. Alors tu parles de redingote, justement, moi j'ai ta carte de visite face à moi et tu m'expliquais tout à l'heure parce que il y a un beau dessin donc qui a été fait par un tatoueur sur ces chineurs bricoleurs remontant le temps pour le remettre au goût du présent et au verso, il y a ton Facebook, etc. Explique-moi un petit peu une redingote. Voilà, devant en fait c'est la tête et l'esprit. Ouais. Et au dos c'est le corps et le contact. Voilà, avec la redingote. Donc c'est celle que 1910. Que... 1910, d'accord. Donc si Léon on voulait un petit peu à cette heure-ci s'informer sur toi, où est-ce qu'on peut te joindre? Sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Léon, ah ouais, c'est Léon de la Brocante. Moi, j'ai Léon de la Brocante. Oui, reprenez-moi, les amis, si je fais des erreurs. Non, c'est Léon de la Brocante. Alors, tiens, depuis combien de temps, si on continue un petit peu ton interview, mais on continuera aussi tout à l'heure, depuis combien de temps tu t'intéresses à la Chine? Pas la Chine au pays. Ça fait une bonne dizaine d'années. Oui. C'est assez récent. T'es jeune, tiens, d'ailleurs. Je vais fêter mes 30 ans cette année. Ah, il est tout jeune. Et du coup, c'était venu comment? Enfin, je sais pas. C'est quand je suis parti à Rennes, en fait. J'ai trouvé un bac pro commerce en alternance et j'ai eu la chance de le trouver dans un troc.com, troc de Lille. D'accord. Okay. Et là, j'ai vu comment on pouvait faire. Parce que le troc de Lille a essai aussi. Ils ont maintenant, ils ont compris un peu le business. Hein, ils ont créé un espace des années 70 et le jeune juste qu'on allait voir régulièrement. Bon, on s'est rendu compte depuis 7-8 ans que les prix ont quand même augmenté. Mais attends, il y a quelques années, tu vendais pas ça à ce prix-là. Ouais. Bon, maintenant, ils ont c'est normal, c'est la loi du marché. Hein. Mais oui, il y a un espace maintenant qui a aménagé pour ça. Et je pense que pareil, Emmaüs, ils ont fait aussi leur espace. Et puis ils prennent pas tout et n'importe quoi non plus. Maintenant, ils font très attention à ça. Léon, on va en reparler d'ici quelques instants. Tu continues et tu restes avec nous, je pense, pour toute cette émission. On va écouter un titre. Il est 17h, bientôt 20, les amis. Et je pense que vous connaissez tous ce titre, mais à mon avis, vous ne connaissez pas l'auteur. C'est Jackie Wilson, c'est Rite Petite. From my head to toe, I want the world to know. Wilson. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cette fin de semaine, le vendredi 15 juin. Je vais arrêter les jingles, ça va être mieux. Et donc peut-être ils se préparent au le week-end. Entre autres, il y a pas mal d'événements. On en parlera dans la fin de cette émission. Il y a pas mal d'événements qui se déroulent, surtout dans des périodes un peu estivales comme ça. Et notre Adrien qui nous rejoint ce mois-ci, eh ben il va nous parler de. Alors comment je pourrais. J'ai même pas envie de teaser là-dessus. Je vais te laisser le faire. Je vais te laisser le faire, je crois. Ouais, je vais vous parler du freak show. Du freak show. Ouais. Alors en fait, il y a quelques années, le cirque traditionnel que l'on connaît aujourd'hui était bien différent. Donc c'était du 19e siècle hein, jusqu'au milieu du 20e siècle. Ce qu'on appelait le cirque des monstres. Ouais. Ou s'y appelait donc du coup le freak show en anglais. C'était très populaire, notamment aux États-Unis. Donc le freak show, c'est quoi? C'est des shows nomades, des cirques ambulants qui mettent en scène donc des curiosités, des hommes et femmes ayant des particularités physiques, des malformations ou handicaps. Hein. Ils avaient vraiment des, ça existait vraiment. Ces gens-là, c'était juste des handicaps ou c'était la femme. Souvent, c'était des malformations génétiques, des handicaps parce qu'on pouvait par exemple voir des nains. Alors aujourd'hui, on dirait pas, c'est un monstre ou quoi que ce soit. Mais à l'époque, à l'époque, tout ce qui était différent. On le mettait dans un cirque. Voilà, on le mettait. Non, pas jusque-là. Mais mais en tout cas, ils étaient mis de côté. D'accord. Au niveau de la société. Donc, du coup, toutes ces personnes-là se réunissaient, en fait, ou étaient recrutées par ces cirques. Ça les faisait travailler pour le Et coup. Ça les faisait travailler. Donc, d'ailleurs, on peut retrouver une galerie de personnages ayant notamment existé dans American Horror Story saison 5. Oui. On peut même écouter une petite chanson, d'ailleurs. Alors, c'est Jessica Lange qui fait une reprise, s'appelle Gods and Monsters. Donc ces personnes au physique particulier et rejetées par la société trouvaient refuge, donc du coup comme on le disait, dans ces groupes nomades et se servaient de leurs différences pour gagner leur vie. Faut savoir que certains d'entre eux avaient une vraie vie d'artiste, étaient énormément demandés dans ces freak shows justement. Ils y trouvaient une famille, un refuge, un salaire dans le meilleur des cas, mais par contre aussi, le revers de la médaille, c'est que pour beaucoup d'entre eux, c'était la maltraitance aussi. La maltraitance. Ouais. Ah oui, donc ils n'avaient pas les bonnes conditions pour être. Pas forcément, non. D'accord. Et du coup, on va jouer un petit jeu. Ah. Je vais vous parler de certains personnages. Et on va devoir trouver ayant existé leur... du freak show et justement, il faudra me dire quel était leur nom ou leur particularité. D'accord, génial. Alors. On va commencer par Joseph Merrick. Alors, c'est le plus connu de tous. Alors, moi, j'aurais dit, je sais pas, parce que je sais pas du tout ce que c'est, un homme élastique. Non. D'accord. Bon. Il y a eu un film. Le truc chocolat, non. Non. L'homme canon. Non. Non. Edouard. Il avait des malformations. Il avait des malformations. Partout. Partout. Quasimodo. Presque. Un bossu, quoi. Non, enfin. Elephant Man. Ah, Elephant Man, bien sûr. Elephant Man, il est mort à 27 ans. Il avait le syndrome de Protée, une maladie génétique qui affecte la croissance des tissus. Et t'en vois aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vrai que cette maladie-là, elle existe encore. Ouais. Et en fait, il a été énormément étudié. C'était un des premiers cas vraiment d'études. Et il est mort jeune suite à la maladie ou la maltraitance et... Maladie, pour le coup. D'accord. Voilà. Ensuite, là, je vais vous donner son nom. Lucia Zarata, c'était la femme marionnette. Pourquoi? Elle avait les os qui se. Enfin, les articulations élastiques un peu. Non. Non. En fait, elle était déjà toute petite, elle faisait 61 cm. Ah. Mmh. Et elle a été aussi dans le Guinness World Record pour son poids, elle faisait 2,1 kg. C'est pas vrai. C'est pas possible. Elle vivait elle est morte à 26 ans. 2,1 kg ? Mais c'est le poids de nounette. Oui, c'est le poids de notre chien. <C'est> Donc, du coup, elle, c'était la femme marionnette, quoi, à cause de sa petite taille et de son petit. Et 60 cm ? Ouais. Il n'existe plus des gens comme ça aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est compliqué. Ouais. C'est incroyable, ça. Parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment minuscule, quoi. Imagine la pauvre dame, quoi. Ouais. Bon, ok, alors continuons. C'est pas drôle. Ensuite, oui, ça, nous avons... sûr que ça fait rire, mais c'est bon. Ah bah, oui, imagine une copine, elle est posée sur la table. C'est vrai, c'est... elle est où, merde. Elle était dans le mixeur, là, merde. Ensuite, on a Eli Bowen. Alors, du coup, lui, il était acrobate. D'accord. Mais quelle était sa particularité? J'ai encore envie de dire un élastique. Mais il tient son truc. Une idée ou pas? Non, aucune idée. Alors, c'était l'acrobate sans jambes. Alors, lui, pour le coup, il a eu une vraie carrière. Il est mort à 79 ans. D'accord. Il est né avec ses pieds non développés attachés aux hanches en raison d'une anomalie congénitale rare. Et du coup, il a appris à marcher sur ses mains à l'aide de blocs en bois et a rapidement acquis suffisamment de force dans son torse pour commencer à expérimenter des acrobaties. Donc il avait les pieds au niveau des hanches. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Écoute, c'est pas des grands pieds. J'imagine un pingouin. C'est horrible. Pingouin sur la banquise. On se moque du handicap, c'est affreux. Non, mais il y a les photos sur internet, vous pouvez. Ah oui, bah oui. Tiens, bah, d'ailleurs, on pourra mettre les photos. Oui, je vous mettrai les photos. Des photos d'Eli Bowen. Lui, c'est Grady, c'est ça? C'est Eli Bowen. Ah non, c'est Eli Bowen. C'est l'acrobate sans jambes. Ah pardon. Ensuite, on a Minnie Woolsley. Donc elle a été reprise dans American Horror Story. Ouais. Donc c'est la fille oiseau. Donc alors la fille oiseau parce qu'en fait elle souffrait d'une croissance congénitale rare encore du squelette. Elle avait un bec, elle avait une petite tête toute étroite, une toute petite taille. Et alors elle était chauve, sans dents et complètement ou partiellement aveugle. Alors là pour trouver un mec, vas-y. Ouais. Et elle apparaissait en costume amérindien et parlait du charabia. Elle avait pas d'aile par contre. Non, elle avait pas d'aile. Pourquoi alors il l'appelle la femme oiseau? Parce que juste, enfin elle ressemblait. Au niveau, elle ressemblait à un oiseau. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Bah pareil, vous pouvez voir les photos, c'est. C'est horrible quoi. Ça, c'est fou. Ouais. Grady Franklin Steele Jr. Ouais. Alors il est surnommé Lobster Boy. Lobster Boy. Ouais. On le jette en l'air? Non, c'est l'homme homard. Donc il lui manquait des doigts ainsi que des orteils donnant ses extrémités des aires de pince. Alors lui il était pas commode du tout, il était alcoolique. Tu le retrouves sur les plateaux de fruits de mer à l'Excelsior. Ouais. Et il s'est fait assassiner par son beau-fils, je crois. Ah, belle vie. Mais belle tu te rends vie, compte quand tu vis, quand t'arrives comme ça, bon je pense que tu te rends pas compte de ce qu'est l'état normal, quoi, mais ouais. C'est horrible, d'accord. Alors par contre, tous ces gens-là, on n'a pas forcément aujourd'hui, des fois on exhibe sur Facebook les réseaux sociaux des gens avec des malformations, mais ce genre de choses-là, alors c'était peut-être parce qu'il y avait des choses un peu après, il y a peut-être des choses comme ça, quoi. C'était peut-être un peu plus fréquent. Ouais. Annie Jones, t'en parlais tout à l'heure, Annick, c'est une femme à barbe. Ah oui. Alors il y en a une aussi à Taron-les-Vosges. Ah bon? Ouais. Ah bon, mais il y en a eu ou il y en a une? Il y en a eu une. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc là, bon, c'est peut-être faisable. Hein, on en voit un peu plus, ouais. Ouais, enfin, oui. Bah, je dis pas maintenant dans la rue, mais il y a un moyen de se faire une petite barbe. C'était de un peu plus jours, fréquent. Ouais. Non, c'est possible. Ouais. Et ensuite, on a Isaac Sprague. Ouais. Alors, t'en parlais tout à l'heure, tu t'insistes sur l'homme élastique, mais presque. Ah, d'accord. Donc, l'homme, c'est pas élastique? Enfin, ouais, je pense élastique parce que c'est genre, j'imagine des membres fins. Ah oui. Non, là, c'est l'homme squelette. Donc lui, trop maigre? Très maigre? Trop maigre, ouais. En fait, il était normalement constitué jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. Et un jour, il s'est mis à perdre beaucoup de poids malgré un appétit normal. Il n'arrivait pas à s'alimenter correctement. D'accord. Donc lui, je pense qu'il n'a pas eu nécessairement une vie très longue. Non, ça fait quand même du monde, 2, 4, ouais, ça fait quand même du monde. Je vous parlais quand même de la dernière, parce que ça, c'est quand même... Alors, Alice I. Doherty, rien à voir avec Pete Doherty. Hein, rien à voir. Alors, c'est la femme loup-garou, pourquoi? Alors, parce qu'elle sort la nuit, elle a une queue. C'est Dragon Ball Z. Non, en fait, elle est née avec des poils sur tout le corps, y compris sur le visage. À sa naissance, elle avait déjà un duvet de 5 cm sur tout le corps. D'accord. Et alors, son père, qui était super cool et sûrement quelqu'un de très droit et gentil, dès son plus jeune âge, a trouvé rien de mieux, du coup, que de se dire, je vais faire payer les voisins. Et pour la voir. Pour venir la voir. Mon Dieu. Voilà. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, elle était déjà un peu mal barrée. Elle faire le double, aussi femme à barbe et puis femme à barbe. Ouais. Mais pareil, il y a des photos aussi, c'est assez impressionnant, ouais. Et bon, on mettra toutes ces photos-là, Adrien. Et du coup, ça a évolué un petit peu tout ça? Bah heureusement, oui. Bah déjà, je pense que maintenant, ça serait légèrement interdit. Légèrement, je pense. Ouais, déjà avec les animaux, ça devient un petit peu compliqué. Déjà, ça va devenir interdit. Mais en fait, il aura fallu attendre l'évolution progressive de la médecine et de la science pour qu'on se dise, bah, en fait, c'est pas des bêtes de foire, bah, c'est non. Des êtres humains, quoi. Et juste, voilà. Tout simplement. Et donc, tous ces gens-là ont certainement énormément souffert. Merci Adrien, en tout cas c'est intéressant le Freak Show, donc toute ton explication autour de cela. On va écouter un titre les amis, on est tout pile à la moitié de l'émission, il est 17h30. Ça n'a rien à voir avec ce dont tu viens de parler. Tout le monde connaît ce titre là, on est dans un autre registre. C'était Cool and the Gang Celebration sur Fadjet. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, on est ensemble jusque 18h. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. And have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, bienvenue à vous qui nous rejoignez en cette fin d'après-midi. On est très heureux d'être avec vous, ainsi qu'une fois par mois, donc on en profite un maximum. Il est 17h35, le temps passe très très vite. On va le reprendre, ce temps-là avec Léon de la Brocante qui est avec nous. On pourrait penser qu'il a 87 ans, non. Ce n'est pas du tout ça. Il en a à peine 30. Et donc, on parlait du collectif un petit peu hors antenne. Et on peut citer, parce que certains sont passés d'ailleurs dans l'émission pendant ces 4 années-là. On en a eu quelques quelques-uns de ces... Alors, comment on vous appelle? C'est des commerçants, des artisans, des artistes? Comment on appelle ça? Des brocanteurs? Oui, ça va être chineur brocanteur. Oui. Chineur brocanteur, c'est maintenant... C'est le terme utilisé. Parce qu'on est tous des auto-entrepreneurs, donc... Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de monde sur le créneau, hein, sur le marché ici à Nancy, toujours avec des petits noms sympas, hein, c'est vrai, oui, à chaque c'est fois. Vrai. Est-ce que c'est un monde assez dur au niveau concurrentiel? Est-ce qu'on se fait pas de cadeaux? Ou alors est-ce qu'on s'associe, est-ce qu'on cède? Ça dépend des fréquentations, on peut retrouver les deux. On peut retrouver les deux? Faut bien s'entourer, oui. Donc là, sur le principe des 700 mètres carrés que vous allez avoir, c'est de s'associer, céder. Oui. Alors, on va retrouver qui? Donc, on va pouvoir retrouver Broken Vintage, qui lui est un spécialiste de la platine en pli, qui fait entretien, réparation, remise à neuf. D'accord. Aussi, avec aussi beaucoup de vinyle. Beaucoup de vinyle aussi, de la vente de vinyle. Oui. D'accord. Beaucoup de box de vinyle. Avec lui, on peut retrouver Isabelle de Vacom Vintage. Oui, qui est venue aussi. Qui est quasiment la spécialiste du Formica et de toutes ces petites époques vintage. Elle avait une émission d'ailleurs. Télé sur elle, je crois. Ah oui. Ouais. Bah nous, elle est venue aussi une ou deux fois, je crois. Mais je crois qu'Isabelle, en fait, elle a été dans les premières invitées, il y a 4 ans. Invitée de l'émission, quoi. Et alors elle, c'est vrai qu'aussi, elle est présente partout parce que c'est ça aussi, il faut se montrer, hein. C'est un peu l'idée, quoi. Il y a qui d'autre alors? Donc ensuite, on va retrouver la pagaille de Lulu, ouais. Spécialiste en bretin, qu'on a reçu l'année dernière et qui lançait à peine son activité aussi il y a un an. Ouais, ouais. Et ça. Ouais. Après, ensuite, on aura Titi qui n'a pas lui encore. De dénomination. Comment il s'appelle du coup? Titi. Titi. Et alors lui, il est spécialisé en quoi? Lui, en fait, son délire, c'est de prendre des vieilles télés. Ouais. C'est-à-dire de les jeter sur les gens. Bon, c'est un particulier. Il prend les vieilles télés, en fait, et il retire juste le tube cathodique pour installer un écran plat à la place, mais il essaye de garder toutes les fonctionnalités de la télé, comme le vieux. Ah, génial! Ah ouais. Ah, c'est super ça! On peut avoir une télé vintage avec une qualité. Avec moderne. Ah ouais, oh, super. Trop bien! C'est vraiment des idées, je trouve que c'est génial! Ça y est, excusez-moi, je me roule par terre. Eh non, mais je trouve ça vraiment cool. Ah, bon, en tout cas, on a hâte. Il y a d'autres gens que tu veux citer? Il y aura une créatrice aussi de coussins, en fait, qui s'appelle Chou. Ouais, je connais aussi, ouais. Et il y aura aussi Microdomus qui nous accompagnera avec leur plante. Ah ouais, c'est cool, hein. Donc, ouais, c'est chouette aussi, ce qu'ils ont. Ouais, ça va être sympa, je pense. Et chacun aura son petit espace. C'est ça, on a tous notre petite cellule en fonction de notre cotisation sur le loyer. On a un espace un peu différent. D'accord. On est tous réunis au même endroit. Et il y aura un gérant de tout ça, enfin, tu vois, non, il y aura un petit planning, on va s'arranger, essayer de faire des moments de présence. On est assez nombreux pour pouvoir se dispatcher une semaine. D'accord. Et si tu me donnais un indice du lieu, c'est à Nancy? C'est à Nancy, c'est sur le secteur des Deux Rives. Des Deux Rives, voilà. Donc, il y a une date déjà précise de lancement? On espérait d'ici la fin du mois, mais on prend un petit peu de retard. Ouais, d'ici un mois, je pense. D'ici un mois, il y aura un lancement avec inauguration et tout ça. Eh bah, ben, c'est cool, on y sera, hein, je pense. Hein. Évidemment, au rendez-vous, et on vous souhaite, franchement, parce que moi, j'aime ça, et c'est vrai qu'on le dit, déjà dans l'émission, un coup d'œil, c'est beaucoup de gens qui sont passionnés et qui essayent d'en vivre. Comme toi aussi Adrien avec le Fripp Show, on avait aussi Kiki avec entre autres Ces Hommes Modernes et plein d'autres choses. On a aussi Clément mine de rien avec là pour le coup le jazz et les événements autour de ça. On avait Jack à l'époque sur les rétro passion auto, et donc c'est vraiment des passionnés, donc automatiquement ça se transmet assez facilement entre nous et puis on aime ça, et du coup après d'en vivre aussi, on connaît bien la difficulté, hein, souvent de ces métiers là, c'est pas évident. Donc faites fonctionner le local, ça va être un peu l'identité aussi, de faire fonctionner le local. Ouais. Tu m'expliquais un petit peu. Complètement, c'est de faire fonctionner un petit peu tous les gens qui sont autour de nous et non pas aller fouiller et chiner sur internet des prix. C'est ça, toi t'es pas trop ça, donc il n'y aura pas de site internet Léon de la Brocante. Pas de site officiel, non, il n'y aura que les réseaux sociaux comme Facebook. Que les réseaux sociaux. Ouais, après, le nouveau local aura lui son site internet quand même global pour que les articles présents dans la... Mais on pourra pas les acheter en ligne. Si on pourrait les acheter en ligne. D'accord. Mais on aime plus la transaction en direct. Mano à mano, ouais. Et puis ce qui est bien aussi dans le lieu comme ça aussi, c'est que tu peux aussi peut-être connaître un peu, enfin l'histoire un peu, je sais pas. Ouais, voilà, ne serait-ce que pour voir, trouves, discuter, hein, aussi. Ouais. Discuter avec la personne qui est en face de toi, quoi. C'est ça qui est cool et que tu retrouves pas sur internet quand tu vas acheter un truc en cliquant. Bah oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu ça, quoi. Hein. Et puis donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, on suivra un petit peu tout ça. Je le rappelle, Léon. Donc pour l'instant, pour te contacter. Et après, il y aura le nom officiel. On n'en parle pas. Il m'a dit non, on n'en parle pas pour l'instant. Donc, c'est la page Facebook et Instagram aussi. Ça marche plus Instagram que Facebook parce que c'est photographique peut-être. Je suis pas très ardu d'Instagram, donc je pourrais pas trop faire le comparatif. Mais quand je regarde avec mes collègues, oui, leur j'ai l'impression. Ouais. Je pense que Instagram vraiment ça est devenu. Et puis bon, c'est quand même la propriété de Facebook aussi, mais c'est vrai que je trouve ça un peu débile cette idée de faire des stories sur les deux. Enfin, Facebook et Instagram sont quand même deux choses assez différentes. Ça fonctionne beaucoup plus sur les photos et les hashtags. On ouvre un peu plus, du coup, on sort un peu de son territoire avec les hashtags. Donc, c'est aussi Léon de la Brocante. Donc, c'est hashtag Léon de la Brocante sur Instagram. C'est bien ça. C'est bien ça. Et bien, toutes les informations, en tout cas, vous les retrouverez parce qu'on relaiera aussi et bien, tout ça sur notre page Facebook Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro. On poursuit cette émission avec toi, Naïk, parce qu'on parle aussi de tas de choses, notamment de la déco aussi. Mais là, ça va être la mode, c'est ça? Tout à fait, François. Écoute, on peut y aller. Hein. On peut y aller. Oui, donc j'avais envie de vous parler de mode, voilà, de tendance un peu pour ce printemps-été, bientôt, parce qu'on est bientôt l'été quand même, avec la combinaison qu'on voit un peu partout dans nos boutiques préférées sur Nancy. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, la combinaison, donc pantalon, était la tenue de travail, en fait, qui était réservée initialement aux ouvriers du 19e siècle. D'accord. La combinaison, donc, est devenue après l'uniforme des pilotes de chasse, des parachutistes aussi, durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs, durant cette période, donc, qu'elle va entrer, en fait, dans le vestiaire des femmes, puisque les femmes ont remplacé dans les usines les hommes, puisque les hommes, donc, étaient partis à la guerre. Donc, parmi les femmes qui ont porté la combinaison, il y en a une, c'était l'icône américaine Rosie la Revisiteuse. La Revisiteuse. Ouais, et je suis sûre que vous connaissez cette image. C'est l'image d'une femme en fait avec un turban rouge avec une combinaison bleue. Qui, j'allais dire qui fait ça, mais les auditeurs ne vont pas le voir. C'est ça. Qui fait comme Popeye. Voilà, merci. Et ben voilà, donc elle, c'était Rosie la Revisiteuse en fait, qui était vêtue sur ses affiches avec une combinaison. Et donc cette affiche donc faisait écho donc à l'effort de guerre pour la petite histoire. L'effort de guerre, voilà. Donc fin des années 60, la combinaison a commencé donc son ascension un peu fashion, donc grâce à Yves Saint Laurent. Toujours lui. Puisqu'il a intégré en fait dans sa collection de 68, oui, toujours lui effectivement. Et puis on peut pas parler de la combinaison sans les années disco, puisque la combinaison donc a été popularisée dans les années 70 et 80, surtout 80 notamment avec le clip Rock with You de Michael Jackson, dans lequel en fait il avait une combinaison à paillettes. Mais dans les années 70, on était plus sur de la combinaison pas de def. Ah ouais, non mais là c'était fleuri, c'était il y avait beaucoup de couleurs, c'était là, flashy, tu perdais un petit peu en œil. C'était un peu c'était la mode de l'époque. Mais pourquoi on aime cette combinaison? Alors la combinaison, on l'aime, on l'adore en fait, parce que c'est une seule pièce et une unique pièce, pardon. Donc un peu comme une robe en fait, on n'a pas besoin de chercher avec quoi on peut la mettre. Contrairement aux idées reçues, pas besoin d'être une brindille en fait pour la porter. D'accord. Donc elle peut même être assez flatteuse pour les filles qui sont pulpeuses. Donc en fait, il suffit juste d'opter pour un modèle avec un décolleté un peu échancré ou sans manches. Ça laissera apparaître un peu la peau. Par contre, un petit conseil, mettez des talons. En fait, ça accentue un petit peu le côté féminin et ça élance la silhouette. Pas de bottes de neige. Voilà, exactement. Et la combinaison, elle a un avantage en fait, c'est qu'on peut la porter à tout âge. Donc on est 20, 30, 40, 50 ans. Voilà, ça le fait quoi en fait. Mais comment la porter? Alors comment la porter? Donc on l'a choisi bien ajustée, pas trop moulante quand même, parce qu'il y a des endroits où ça peut faire un peu bizarre. Voilà. Oui, je vois. Voilà. On évite également l'effet trop ample, sans forme en fait, à la taille. On n'hésite pas donc à mettre une ceinture, donc ça évite un peu l'effet barboteuse, je dirais. Un truc que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un ourlet, un peu feu de plancher, voire carrément rouler en fait, rouloter. Donc feu de plancher pour que je passe, c'est tu vas aux fraises de qui? Non. Non mais en fait, ça peut être féminin en fait. Du coup, ça laisse apparaître la cheville. Du coup, avec des talons évidemment, ça fait mieux. Et vous pouvez oser, cette année les imprimer. Il y a pas mal, je parlais de fleurs tout à l'heure, mais effectivement, il y a plein de combinaisons avec des fleurs pour cet été. Les imprimés ethniques aussi sont vachement à la mode. Et vous avez bien sûr la combinaison short, en version combi short, donc avec des baskets ou des nu-pieds. Voilà, vous serez tendance, mesdames. Adrien, pour en trouver? Des combi shorts, on va en avoir, ouais. Ah là. Ouais. D'accord, on est sur le coup. Le lien, voilà. On rappelle d'ailleurs l'adresse du Fripp Show. 68 Grande Rue. Grande Rue, donc allez-y, foncez-y, ils sont super sympas. Et je crois qu'il y a des ventes privées Fripp Show qui se font. Aujourd'hui et demain, ouais. Voilà. D'accord, donc on peut y aller encore ce soir. Bah encore ce soir, voilà. Et demain, voilà, le week-end. Ouais. Vous êtes ouvert le dimanche aussi? Normalement, oui, voilà, sauf ce dimanche. Sauf ce dimanche. En fait, la fête des pères. Ah bah oui, bien sûr, c'est obligé. Donc n'hésitez pas à aller les voir, voilà, au-delà qu'ils soient dans notre émission, c'est quand même, c'est de chouettes sympathiques personnes. Voilà. On va faire une petite pause musicale, merci. Donc il n'y a pas de combi pour les hommes, on oublie. Il y en a, mais comme je disais tout à l'heure, ça fait c'est un pas peu. Pas facile à porter. Moi, j'en ai vu sur les défilés mode, là, Fashion Week. Bon, bah, c'est... Non. Je vois bien avec ça. Avec oui, mais non. J'ai dû remettre des talons parce que ça était mécano un peu. Enfin, c'est une cata. Donc, on va écouter. Alors, pourquoi ce titre d'ailleurs? Tu l'aimes? Eh ben, je l'aime bien parce que, ouais, bah, je disais, c'est bientôt l'été, donc ça me fait penser aux vacances, à la plage, aux cocktails. Tout le monde connaît, hein. C'est, on l'a vu aussi suffisamment dans des pubs. C'est les négresses vertes. Voilà l'été. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le désir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rapproché d'un cocktail, les filles sont belles. Et les dieux sont ravis. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro sud tout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. À l'ivoité qui s'effondre violemment. Il y a plus de mille, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans l'orgie. Tous ces noyés, le mer qu'elle salopie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Mais dans ma tête, tu bourdonnes les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Les Négresse Verte. Voilà l'été sur Fadjet. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il ne reste plus qu'une petite dizaine de minutes, les amis, mais pas de panique. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast à partir de la semaine prochaine, ou plutôt, une fois que je l'ai mise en podcast sur notre site internet, donc fadjet.net. Vous choisissez l'émission Un coup d'œil dans le rétro. Ça nous fait toujours plaisir quand on est réécouté. Ou alors, si vraiment vous avez la flemme et que vous êtes sur Facebook, c'est Fadjet Un coup d'œil dans le rétro. Et pareil, il y a notre petite tronche, vous cliquez dessus et hop, Mixcloud vous propose l'émission. Allez, on va terminer justement par les sorties, Anaïk. Oui, alors demain, je vous propose de 16h à 23h. Donc, vous pourrez retrouver le groupe Les Velvet Swing, donc, qui se produiront à l'occasion de la Biennale de la Terre, donc organisée par l'Inter-Association de Jean de Lincourt. Donc, en fait, c'est une manifestation sur le thème de la tolérance et du vivre ensemble. Donc, il y aura des groupes un peu au style varié, un repas, cuisine du monde et des expos. Je vous conseille de réserver donc au 06 87 13 23 93. Les Velvet Swing qui étaient venus aussi dans l'émission. Vous avez aussi une possibilité demain de 11h à 18h30. Il y a une braderie organisée par la médiathèque Manufacture et Bibliothèque de Nancy. Vous pourrez y dénicher des livres, romans, BD, polars, documentaires, revues, partitions, albums de jeunesse et des CD retirés des collections. Dimanche, donc Brock'n'Roll, donc brocante spéciale musique, donc à Messin de 8h à 18h. Donc plus qu'une bourse aux instruments, une foire aux disques, une vraie fête de la musique avec des stands à musique, des concerts toute la journée. Nouveauté donc par contre pour cette 6e édition, donc il y aura un masterclass de guitare manouche avec Macho Winterstein. Voilà, je sais pas comment on dit. Donc l'entrée est gratuite, donc allez-y, faire un petit tour, je pense que ça va être bien cool. On en parlait dimanche 24 juin, la grande brocante du parc Sainte-Marie. Donc il y aura ta présence, Léon. On sera présent avec tout le collectif. Avec tout le collectif, pour le coup. Une brocante qui est vraiment bien fréquentée hein, depuis un certain nombre d'années, est vraiment reconnue. En général, il fait beau. Hein, oui, c'est vrai qu'il fait suffisamment beau. Et donc on pourra vous y trouver le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors à la pépinière, donc marché des métiers avec cette année 50 exposants représentant plus d'une dizaine de métiers. Des métiers dans le domaine de la céramique, luminaire, tournage sur bois, verrier, déco, vêtements, accessoires de mode. Il y aura même des ateliers gratuits pour les enfants donc sur les deux jours. Et le samedi 7 juillet, bal bœuf à la PEP de 19h à 22h qui est organisé par Folk en Bœuf pour découvrir ou redécouvrir la danse folk sur le parquet devant l'auditorium avec 3 heures de bœuf animé. Hein, voilà, c'est pas des bœufs qui dansent. Non. C'est pas ça du tout. Par les musiciens motivés. Donc il y aura également 3 autres dates durant l'été. Donc c'est un peu la spéciale cet été. Bal bœuf le 21 juillet, 4 août et 18 août, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, on a aussi, vous pouvez profiter toujours aussi, du free show en ce moment avec les ventes privées. On fait des ventes privées du coup assez régulièrement dans l'année, il y a un peu... Ouais, on essaie d'en faire tous les mois. Tous les mois, pour le coup. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ça, vous informez sur la page Facebook ou ouais, autre. Tout est dessus. Léon de la Brocante, on suivra ton parcours. On le relaiera aussi dès qu'on a la date, le jour et le nom du collectif. On relaiera tout ça sans nul doute sur notre page Facebook et sur nos réseaux sociaux. On espère en tout cas une réussite, hein, c'est déjà important. On y viendra bien sûr. Et toutes les informations pour l'instant, si vous avez à en demander, eh bien c'est sur la page Facebook ou l'Instagram de Léon de la Brocante. Ça marche? Ça marche. Eh bien, les amis, l'émission se termine? Oui. Mais on se retrouve quand? Le vendredi 20 juillet, pour le coup. Pour la dernière? Pour la dernière, parce qu'après, on part en vacances. C'est fini, la radio, la radio ferme à partir de fin août. N'hésitez pas, petite proposition, Fadjet, fête l'été. Alors, il y a des portes ouvertes, il y a une visite des studios et des émissions en live et en public, apéro, concert. Et ça se passe donc le samedi 30 juin 2018 de 14h à 20h. Donc il y a un événement sur Facebook, Fadjet Fête l'été, c'est un peu notre dernière fête de la saison. Donc les émissions, ça vaut le coup. Et puis surtout si vous voulez visiter des studios, on a des beaux studios ici à Fadjet. Et même proposer des émissions pour la saison prochaine. Parce que petite anecdote, Fadjet c'est aussi plus de 150 bénévoles, 72 émissions tout au long de la saison. À chaque fois des émissions différentes, certaines s'arrêtent, d'autres continuent. Il y a des émissions qui datent d'une vingtaine d'années, voire certaines d'une trentaine d'années. Depuis l'ouverture de la saison. saison, notamment l'émission pour les prisonniers. Parole d'outre-mur. Est-ce que tu crois que l'émission va la faire pendant 30 ans? Peut-être, on viendra comme ça. Bonjour, alors on va parler du rétro, ça s'est passé en 2020. Ils sont sortis l'iPhone 12. Non, ça va. Arrête, papy, c'est merde, on a l'iPhone 48. Ouais. Et donc, voilà, en tout cas, on est très heureux. N'hésitez pas, voilà, à aller voir sur notre page Facebook. L'émission se termine. À bientôt les amis. Bon week-end. À bientôt. Hein. Bon week-end. Restez à l'écoute. Au revoir Léon de la Brocante. Au revoir. Et au revoir à Madame aussi qui était là. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et les programmes continuent. Restez à l'écoute sur Fadjet. Tout de suite c'est Cap Sport. Et aussi on va écouter Nick Waterhouse, Dead Room.